CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. David Ferron sera là pour mettre la langue dans ton oreille pour la première fois cet automne. On célébrera le retour de François Landry de sa chronique politique Logocratie 101. On apprendra comment mieux vivre notre vie avec les instructions d'assemblage. Assemblage requis tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 5 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et je crois que Jean-Philippe Charbonneau a repris ses bonnes vieilles habitudes de l'année passée parce qu'il est pas là au début. Non, mais sans blague, ça conduit en mononcle à matin ses routes, donc c'est très compréhensible que Jean-Philippe arrive en retard. Mais c'est pas grave, je vais vous mettre un petit peu la nappe et les assiettes, un peu comme un bon copain fait à sa copine, ou copine au copain, vous comprenez le principe. Alors aujourd'hui, on va avoir David Ferron qui va être avec nous vers les 8h pour sa chronique La langue dans ton oreille. Nouveau jour pour David Ferron, qui va nous présenter la musique francophone. Ensuite, à 8h30, le retour dans sa case tout à fait standard depuis longtemps. Je crois que c'est le chroniqueur qui est resté depuis longtemps jusqu'à maintenant, et on aime ça comme ça. François Landry à 8h30 avec sa chronique Logocratie 101 et son sujet d'aujourd'hui. Et après le barbecue et les épluchettes de blé d'Inde, la rentrée, première partie. Hein? Ça a l'air bon, ça. À 9h, je vais faire les instructions d'assemblage. C'est la chronique où on se donne des trucs et astuces un peu pour mieux vivre sa vie. Tu sais, des affaires vraiment anodines ou des affaires auxquelles tu n'avais pas pensé. Ça va vraiment changer votre vie, je vous le garantis. Et c'est en fin d'émission à 9h. Au tout début, dans quelques minutes, on va faire C'est un fait. On aime ça, c'est une chronique qui passe quand même bien. Donc, c'est un fait dans quelques minutes. Pour l'instant, on débute avec une pièce du palmarès anglophone. On va écouter San Cisco. Voici Awkward sur C'est fou. Bonne émission. Là, pour encore 2 heures. Francisco et Awkward, Assemblage requis au 89 FM. Est-ce qu'on suppose d'autres affaires sur Jean-Philippe? Peut-être qu'il a veillé hier.

Et Colin, ben, c'est une nouvelle entrée du palmarès francophone de la semaine passée. Je vous rappelle, écoutez les palmarès, c'est fou. Tous les jeudis entre 15h et 18h, c'est avec moi et Stéphanie Paradis, où on fait Stéphanie Paradis ainsi que aussi accompagnant moi. Hein? Ça passe du lundi au mercredi entre 17h et 18h. C'est le nouvel horaire pour cet automne. Allez voir cfou.ca pour le reste des détails. Sinon, ben, autre détail qui s'en vient, c'est David Ferron avec sa chronique La langue dans ton oreille sur la musique francophone. Ça s'en vient dans une quinzaine de minutes. Mais pour l'instant, ben, on va retourner en musique. Hein? C'est comme ça. Hein? Donc, on va entendre une pièce du côté anglophone, ce qu'on fait un petit peu moins d'anglophone ces temps-ci. Donc, on va entendre Caveman, voici In the City. Sur C'est fou dans vos oreilles. Caveman in the City, assemblage requis, une entrée du palmarès anglophone de la semaine passée. Je vais arrêter de rappeler qu'un nouveau palmarès commence aujourd'hui, tantôt, jeudi 15h. Ça me demandait si on va faire les plugs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un bloc que j'aime beaucoup faire, mais qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on a d'habitude trop de chroniqueurs et aujourd'hui, c'est pas nécessairement le cas. Donc, allons-y, gâtons-nous et voici, il était deux fois. Notre monde, y a deux lois. concept, c'est de le faire une fois. C'était l'été deux fois, le bloc où on joue. Évidemment, deux chansons d'un même artiste, c'est du jamais entendu, je le sais bien. Je suis un original, là, même un visionnaire, qu'on appelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est écouter un groupe qui est présentement dans le palmarès francophone, qui vient de commencer avec ce CD-là qui s'appelle Nana Boo Boo. On aime beaucoup le nom Nana Boo Boo. C'est un peu comme Honey Boo Boo Child, mais en bon. Hein? Donc, on va entendre la pièce Le Nœud. Et plus tard, on va revenir en arrière avec leur extrême gros succès ici à C'est Fou au Canada. Mais pour l'instant, Le Nœud de Medicaid Club, tout de suite au 89.1. La peur est un voleur que l'on invite chez soi. Nos pleurs, toute la douleur du monde qu'on se C'était deux pièces de Midi Cayenne Club dans le bloc qui était deux fois d'assemblage requis, où on entend deux pièces d'un même artiste ou groupe. Midi Cayenne Club qui va être au Festival de l'Outaouais émergent ce vendredi 6 septembre avec Success, D-Track, À la claire ensemble, que Jean-Philippe vous recommanderait parce qu'il les a vus à la tournée SiriusXM récemment, vendredi passé, et Mister Valère qu'on adore aussi ici. Donc c'est vendredi le 6 à 19h à la scène Desjardins du Festival de l'Outaouais émergent. Allez voir festfoe.com, festfoe.com pour en savoir plus. Donc voilà pour le bloc qui a été deux fois et ça va être tout pour l'instant. Pour Assemblage Requis, on va prendre une petite pause. On va revenir plus tard avec, entre autres, la chronique de David Ferron, La langue dans ton oreille, aussi François Landry. Mais avant ça, on va écouter l'Info Campus. Restez là. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau s'en vient, j'imagine, plus tard. Pour l'instant, David Ferron est avec nous. Il va nous parler dans quelques minutes de musique francophone, comme toujours. Je sais qu'on va entendre des choses, des artistes qu'on a déjà entendus et des pièces qu'on n'a jamais entendues. Oui, exactement. Ça a l'air menaçant. Exactement, se dit-il en faisant ça avec ses doigts, là, tu sais, comme M. Burns. Excellent. t'es bon. Mais pour l'instant, on écoute Cadence. Ta cadence de Navarre. C'est fou. 89.1 FM. Excellent. Thank you. Navarre et ta cadence. Sur C'est fou. Assemblage requis. Maintenant, ben tiens, on l'a mentionné plusieurs fois depuis le début de l'émission et Colin, vous l'attendiez. Ça fait un bout qu'on lui a pas parlé officiellement dans une chronique, là. Il fait comme un chien qui sort la langue. Voici la langue dans ton oreille. Yoï! David Ferron, la langue dans ton oreille, bonjour! Bonjour, à vous qui est cute, le petit chaton, le matin qui fait « Guili, guili, chatouille-moi! » Ah, tu vois, je l'ai pas entendu dire ça. Je l'ai entendu être un petit peu plus grave dans sa voix. Là. Ah ouais? La langue dans ton oreille. Ah, ça, c'est Danny Janvier. Ah, c'est pas le chat qui parle! Non! On vient de démystifier le sujet au complet, là. Ben non, c'est Danny Janvier, animateur du Dîner de con qui va être diffusé ce midi. Ah, excuse-moi, je savais pas que t'allais faire une plug encore. Là. Je sais que c'est le principe de ta personne, de faire des plugs. Oui, je le sais. D'où le titre Brancher le monde le dimanche. Oui, parce que Mathieu, tu me branches. Superbe. Donc, on fera tes plugs complètes à la toute fin de ta chronique, OK? Alors, on va commencer par la chronique en tant que telle, la langue dans ton oreille. Premièrement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas suivi tes aventures? Eh bien, la langue dans ton oreille, c'est une chronique où je présente trois chansons. OK. Et la thématique varie d'une semaine à l'autre. Donc, trois chansons francophones que je présente des fois, ça peut être une thématique par rapport à l'actualité, par rapport à un artiste que j'aime. Des fois, ça peut être une thématique que j'invente qui sort de ma tête. C'est du random, du ramdam, du... Oui, c'est du attaquant, du free-for-all. Oui, c'est une recette aléatoire. Voilà. Donc, on va passer... Bonjour, les random recipe. Ah oui, et shuffle la chanson, la MFAO shuffle. Quelque chose comme ça. Bref. Donc aujourd'hui, ton thème, qu'est-ce que c'est, David? Je suis curieux. Là, tu m'as vraiment titillé avec ta description. La construction. Okay, dit-il en sortant la langue, en faisant des mouvements de va-et-vient comme un serpent. Eh oui, comme un serpent constructeur. Oh, wow! Jeu de mots. Improvisation. Oui. Alors, pour qu'est-ce que c'est la construction? Ben, tout le monde sait c'est quoi de la construction. Dis-moi en plus. C'est qu'en fait, c'est assis sur le boulevard des Forges. Vous voyez un exemple de construction de route. C'est sûrement pour ça que Jean-Philippe est en retard de 40 minutes jusqu'à maintenant à cause de la construction. Mais sérieusement, moi, j'habite tout près du nouveau Target qui va s'ouvrir bientôt. Quand est-ce qu'il ouvre? Quand est-ce qu'il ouvre? Je ne sais pas. Il va avoir un Starbucks dedans. Oui. Ah, puis en plus, en face de chez nous, là, il fait comme « Allez, viens, j'ai du bon café pour toi. » Il va déménager rien pour ça. Ouais, chez vous. Je sais pas ce que j'habite où, moi, déjà. Pas proche du Target, ça, on le sait. Non. Du tout. Non, exactement. Blague à part, c'est qu'en fait, ça prend une demi-heure. Habituellement, pour aller chez nous, ça prend, mettons, de l'université jusqu'à chez nous, environ en voiture ou à pied. Ben, mettons, en voiture, 5 minutes. OK. Sauf que là, ça prend une demi-heure. Oui, il y a beaucoup de lumière à traverser quand t'es à pied sur le boulevard des Forges, c'est pas évident. Ben, en fait, en voiture, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, t'as du trafic, t'as des... parties de route qui sont complètement bloquées, donc tu es obligé de faire des détours, mais ces détours-là sont prises par le trafic. Donc ça te retarde beaucoup, mais il y a également un problème de construction parce que la commission Charbonneau s'est repris. Encore Jean-Philippe Charbonneau, ça? C'est lui responsable? Oui. Charbonneau? Non, oui. C'est pas le même. Hein? C'est pas le même tout à fait, c'est une autre affaire. C'est une autre chose qui... En fait, c'est une commission qui vise à régler les problèmes de construction. Et aussi, pourquoi parler de construction? Parce que pendant l'initiation, les gens se détruisent une réputation pour essayer, durant toute la session, de se rebâtir une réputation. Un vrai Jenga, tu sais. Tu sais, les blocs de bois qu'il faut que tu enlèves un par un jusqu'à temps que tout tombe. Ah oui, ça, c'est le fun. Jenga, c'est le fun. Mais en fait, la première chanson, on va pas nécessairement construire, mais on va détruire. Détruire le nombre. Le petit nombre de jardins, les petits jardins avec le chapeau rouge. C'est ça, ils vont y arriver avec des pelles, puis ils le détruisent, puis ils font des coups de pelle avec les petits nombres. Je pense que Vulgar Machin, elle déteste les petits nombres. Ça se peut. Mais en fait, c'est détruire le... Premièrement, c'est anéantir, pas détruire, mais t'es proche. Et c'est dogme. Ça va pas bien. Non, ça va, c'est correct. Je suis là pour t'aider, c'est pas pour dire de toi, je t'aide. Non, je sais. Hey, bon matin tout le monde. Bon matin. En fait, on va écouter anéantir le dogme des vulgaires machins, puis je vais expliquer pourquoi après les vulgaires machins. payer la déchéance absolue pour un code malgré les actions. Et les questions, je vais prier qu'une tactique cervicale de mal. Les cours de principe qui me cloisonne, une vision qui se cultive dans la complaisance. Je reviens brisé par l'intolérance. Et cette voix qui me résonne. Anéantir le dogme des vulgaires machins et non détruire le nom. Mais l'image est très drôle. Fait que je continue de dire ça. Je suis avec des bâtons de baseball sur des petits poteaux de plantes. Tu sais que ces petits bras, genre, oui. Ridicules. Ah oui. Ouais, puis là, il dit non, ne me détruisez pas. Beaucoup d'imagination. Donc, c'est la langue dans ton oreille, la chronique de David Ferron. Oui, et pourquoi les vulgaires machins? D'abord, parce qu'on parle de construction, mais on peut aussi détruire, anéantir, mais aussi parce que le Parti libéral, certains membres veulent légaliser le marijuana. Ah! Mais les vulgaires machins veulent légaliser une drogue qui est un petit peu moins douce, qui est l'héroïne. D'ailleurs, dans cet album-là qui est compté les corps, il y a une toune qui s'appelle Légaliser l'héroïne. Légaliser l'héroïne! Légaliser l'héroïne! Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est que eux, ils disent que c'est pas trop nocif, que ça cause pas trop de dépendance. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a des auditeurs, auditrices qui peuvent nous en parler de l'héroïne? Téléphonez-nous, 8-9-3-7-6-5-8-3. Oui. Mais en fait, ben, je sais pas, on dirait que c'est tellement flou, les drogues. Il y en a qui disent que oui, ça cause de la dépendance, il y en a qui disent que non, mais toute drogue, une drogue, c'est par définition, ça cause de la dépendance, me semble. Voilà. À moins que je me trompe. Je pense que ça doit être la définition de pas mal d'une drogue, ouais, j'imagine. Ouais, à mon avis. Ouais. L'autre chanson, c'est beaucoup moins heavy, c'est Construire du groupe Sebs. En fait, le groupe Sebs, c'est un groupe nébuleux parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, à part que c'est un groupe qui a duré peut-être à la fin des années 2000, qui a déjà fait la première partie de La rue qui est à nous, okay. Qui est un groupe folk qui est assez connu. Si vous connaissez Trio, La rue qui est à nous, Les Orgres de Barbac, c'est dans le même style. Donc, on va écouter la chanson Construire. Pas nécessairement construire un pont, mais construire une vie, construire l'amour. Bref, les paroles sont un petit peu faciles, mais c'est une chanson sympathique pour se réveiller un matin. Mettre bonne humeur. Ben oui. Assemblage requis. échanger des idées, débattre et dialoguer, se donner les moyens de pouvoir avancer, prendre sa vie en main, faire marcher son instinct et ne pas l'air de rien tout reporter au lendemain. Non, non, non. Mais pour savoir cela simplifier, si c'est déjà gagné, moi je peux vous dire qu'on s'ennuierait. Seul c'est pas évident de mettre ses atouts en avant, alors qu'en se groupant on voit émerger des talents. Yeah, yeah. Chabon pas la paille, on partait à ta dans le temps. Chabon dit nous on paye, pas la petite paille, on part à nous dans le temps. Chabon dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit nous dit. Débattre et dialoguer, se donner les moyens de pouvoir avancer, prendre sa vie en main, faire marcher son instinct et ne pas l'air de rien tout reporter au lendemain. Non, non, non. Envie d'avancer, un petit je ne sais quoi qui nous fait rêver éveiller. Il faut avoir la foi et croire à fond en ses projets. En allant dans ce sens-là, c'est tout ce qu'on peut réaliser. C'était construire du groupe Sebs. Tout à fait. Et oui. Ça, c'était vraiment entraînant et divertissant. J'ai bien aimé. Oui, une petite chanson légère avec un bon petit café, puis des biscuits grammes au chocolat. OK, un petit peu de sprinkle de chocolat sur le dessus de la crème fouettée sur ton petit café. Oui! Ah oui, tellement. Ça me donne soif. Moi, j'ai faim. Ah, ça va bien, nous autres. Donc, toujours la langue dans ton oreille, la chronique musicale francophone de David Ferron. Exactement, et là, on a parlé de construire une vie ou construire ses relations avec Sebs, et maintenant, on va parler d'un amour destructeur avec Violette P qui se bâtit une place dans le palmarès, c'est fou, depuis 2 ans à peu près. Oui, tout à fait. On a vraiment passé chacune de leurs pièces une après l'autre. Là, en ce moment, c'est Petit Singe Robot. On ouais. s'appelle Le Fleur de Londres. Un paquet d'autres. Mais moi, je vous présente mon coup de cœur personnel de Violette P que j'adore. C'est la chanson Jeffrey Dahmer au Musée d'art contemporain. Là, si je me rappelle bien, Jeffrey Dahmer, là, c'est genre un tueur en série. Oui, sérieusement, à côté de ça, Rocco Magnotta a l'air d'un petit chien fidèle à côté de Jeffrey Dahmer. Sérieusement, Jeffrey Dahmer, je pense que tu es une quinzaine de personnes au moins. Wow! Comment il faisait, c'est que Jeffrey Dahmer cruisait un petit gars, puis il disait « Viens chez moi, on va se passer ensemble », et après ça, il le démembrait. Soirée comme une autre. Hein? Oui, en fait, Jeffrey Dahmer, c'est le spécialiste de la destruction de vie pour se construire un garde-manger. Yark, dit de même, c'est encore plus dégueulasse. Ben, c'est dans ma thématique construire. Achète-toi des petits plats congelés, c'est bien assez, tu sais. Ouais. Ça peut goûter, en effet, la peau humaine, les Michelinas. Ça, fait que... Ben, c'est pas moi. Moi, j'ai pas le goût de manger des humains. Bon. Ben, d'une autre manière, là, mais en tout cas. Hey, boboy! Hey, boboy! Ça, c'est un commentaire incisif. Hein? Bonjour, les enfants. Salut! Ouais. Donc, VLP, tu disais que cette pièce-là était meilleure encore que... Petit Singe Robot ouais. et Fleur de Londres. Incroyable. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est le refrain chanté par le chanteur d'origine congolaise, Ngabo. En fait, pourquoi le Congo? C'est que c'est un pays qui a été détruit par des années de guerre civile. Aha. Et tu me disais qu'il y avait une parole dans le refrain qu'on va peut-être le reconnaître du titre d'une chronique ici à Assemblage Réunie. Je vous laisse deviner. On devine pour l'instant, on écoute Violette P, Jeffrey Dahmer au Musée d'art contemporain. mortel et comme notre amour est cannibale. Je mange ta peau. Mange ma peau, car je ne peux plus être moi. Tu veux manger mon corps, mange mon corps. Mange ta peau, car tu ne peux plus être toi. Il faut manger ton corps, manger ton corps. Manger ton corps est une option au musée d'art contemporain. Manger ta peau, car tu ne peux plus être toi. Il faut manger ton corps. Mange ma peau, mange ma peau, mange ma peau, mange ma peau. Chaque jour je rentre à la chocolaterie. Jeffrey Dahmer au Musée d'art contemporain du groupe Violet P en collaboration avec le chanteur N. Gabo qui chantait « Mange mon corps ». C'est excellent, c'est raison du Violet P. Moi, c'est un de mes groupes francophones préférés, j'adore ce qu'ils font. Et sauf que ça disait pas « Tu manges mon cœur », ça disait « Tu manges mon corps ». Ça ressemble pareil, ouais, là. On pourrait faire une sous-rubrique. Oui, j'aime ça. Après « Tu manges mon cœur », vraiment, on sort des sentiers battus, on y va avec le corps complet. T'sais. Pour dire qu'on aime toutes sortes de choses. Et voilà. C'est tout, David Ferron. Oui. Merci. Ben, merci à toi, Mathieu, de m'avoir accueilli encore. Ça me fait plaisir. On va te retrouver tous les jeudis à 8h. Exactement. Ou sinon, les dimanches pour une autre chose. C'est vrai. Fais tes blogs. C'est le moment des blogs. T'as le temps. La tribune est à toi. Je vais baisser le fond. On écoute. Moi, je me retire. Attention, je t'écoute là. Vas-y. Attention, attention. Oye. Alors, à tous les dimanches, pour ceux et celles qui aiment la musique du monde, eh bien, il y aura l'émission Brancher le monde de 17h jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou, 89 FM. Il y a eu de la musique du monde dans cette case horaire-là pendant plusieurs années. Tu dis souvent, oui, avec Michel Deschênes, il essaie de reprendre un petit peu son créneau. Oui, ça va être un petit peu différent parce que lui, c'était beaucoup de la musique traditionnelle, de la musique folklorique, mais beaucoup de musique du monde. La musique québécoise en faisait beaucoup jouer de musique traditionnelle aussi. Quoique, il était pas mal ouvert sur toutes sortes de styles aussi, tandis que moi, ça va être beaucoup plus éparpillé. C'est beaucoup plus fermé, toi, c'est vraiment... ça va être beaucoup plus éparpillé, beaucoup plus schizophrénique, parce qu'on peut passer des fois de la pop, après ça, du folk, je peux même mettre du rap, en fait. Je me mets pas de limite. C'est donc l'émission pour les gens qui ont un déficit d'attention de musique du monde. Exactement. Si on veut. Hein, nouveau slogan, moi, je te crée ça, là. Improvisation, oui, de slogan. Toi, t'es bon pour ça. Merci. Donc, on te retrouve dimanche à 17h, et puis, en fait, moi, je t'appellerai pas le remplaçant de Michel Deschênes du tout, je vais juste te traiter à part entière comme un David Ferron, puis à moi t'écouter le dimanche. Ben, comme toi, t'es comme le co-animateur de Jean-Philippe Charbonneau, là. Parce que moi, je le vois pas, là. Bonjour, Charles-Philippe. Moi, je le vois pas. Charles-Philippe. Jean-Philippe. Jean-Xavier. Bon, on peut l'appeler. OK, ça va faire. On prend une petite pause. On revient avec François Landry et sa chronique Logocratie 101 dans quelques instants. Il parle de barbecue, là. Il nous dit son titre, là, je l'ai juste là. C'est barbecue. Après les barbecues et les épluchures de blé d'Inde, la rentrée première partie après la pause. Rassemble un pour toi aujourd'hui. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièce détachée. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau n'est pas là aujourd'hui. Je vais mettre un S à l'homme, là, un peu, là. Tu vois, être seul, c'est ça que ça fait, là. David est en train de frotter la chaise à Jean-Philippe pour, j'imagine, se mettre... Faire sortir le génie de la bouteille. Ah, oh! Bonne idée. Est-ce que c'est là qu'il est? Parce qu'on a essayé de présumer tantôt où il était. Peut-être qu'il avait veillé hier soir, son cadran pas sonné. Moi, je prévois qu'il y a eu un éboulement sur Sainte-Marguerite. OK, hey, ouais. T'es violent. Ben, écoute, une suggestion de même. Jusqu'à preuve du contraire, on sait oui, pas. Exactement. C'est comme ça. Et donc, celui que vous venez d'entendre là et qui a des idées comme ça, c'est M. François Landry, Maître Landry, Seigneur Landry, non, là, Monseigneur Landry. Non, juste, la religion. Hey, ou... Yo, dude! You know you are! Donc, voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bon début de saison. Ben, merci, puis bonne saison à toi. Ben merci beaucoup. C'est quoi, ça fait 3 ans, 4 ans? On a fait 4 ans complétés, donc c'est exactement. Le début de la cinquième année. On a commencé en 2009. Hein. Et oui. T'étais là depuis le début? C'est ça, à matin, je t'écoutais quand t'as dit que j'étais un des plus vieux. Le plus vieux. Ça se peut. Honnêtement, j'ai tenté de reconstituer dans ma tête la chronologie de Logocratie 101. Ça a commencé avec Assemblage requis le matin. Oui, il y avait Kiwan. Oui, comme non, c'était l'après-midi. Oui, non, ça c'était une autre chronique. Je faisais une autre chronique politique l'après-midi. Et Logocratie, c'est le matin que j'ai commencé ça parce que tu as dit on va reformuler l'émission, on va la retransformer. Puis là, j'ai dit bon, ben, tant qu'à faire. OK. Autant faire une. Avant, c'était une critique politique. Là, maintenant, c'est juste un résumé. C'est vrai, tu venais 2 fois par semaine pour résumer l'actualité politique ou quelque chose comme ça. Ouais. T'es meilleur historien que moi. Il va falloir retourner en arrière écouter les balado-diffusions. Oh, je pense sont que encore oui, sur le site. Oh, d'ailleurs, depuis le début. Oui, je vais aller nous taper ça. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est Après le barbecue et les épluchettes de blé d'Inde, la rentrée, première partie. Oui, parce que l'été, Mathieu, on le sait, ça tourne au ralenti au Québec, hein, parce que tout le monde est soit en vacances, soit en train de se faire griller la couenne au soleil et ou en train de manger un gros burger sur barbecue. Ah, c'était-tu bon, ça? Mien. Bon vieux temps. Aujourd'hui, avec la température, tu dis non, quel barbecue, là. Manteau de fourrure, gros casse de poêle, peut-être. Mais c'est l'été, la saison des barbecues, la saison des épluchettes de blé d'Inde, et c'est surtout le temps de voir enfin notre député sur le terrain. OK. Oui, tout est en tout, hein. Fait que moi, je parle de politique, je parle de barbecue, je parle d'épluchettes de blé d'Inde, parce que l'été, habituellement, c'est la saison par excellence pour les députés de revenir dans leur circonscription et de faire du lèche-vitrine de citoyens. Du PR, du gros PR, parce que on est probablement, je le dis à chaque session, à la veille d'élection générale au Québec. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête, yeah, c'est le running gag de ma chronique, là. Il y aura des élections post-automne, soyons réalistes. Éventuellement. En 2014, c'est sûr qu'il y a des élections. Donc, c'est le temps, l'été, de refaire le plein d'énergie en mangeant du gros gras, en mangeant du beurre sur le blé d'Inde, mais aussi en se remplissant les poches d'argent neuf. Légal. Oui. Légal. Oui, oui. On fait pas l'affaire croche là-dedans. Mais non, jamais. En politique, voyons donc. Franchement. Ils sont plus blancs que blancs. C'est ça, pas de pot de vin, là. Non. Pot de zéro. Non, rien. Des gros pots de bière, peut-être. Ah! Oh, ça oui. Mais dans la chronique aujourd'hui, juste pour commencer, je vais la faire en plusieurs parties parce que je dis, il y a quand même tout l'été qu'il faut que je résume depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. C'est vrai, c'est long, 4 mois sans faire de chronique. C'est long, je me suis ennuyé là, de toi. Jean-Philippe, non, il est pas là. Ben, il est pas là. Il est pas là. Fait que je me suis ennuyé de toi, Mathieu. C'est son troisième jour. Je m'ennuierai un moment donné. Donc, je veux dire, on va récapituler un peu l'été, mais seulement pas pour vous endormir, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à part, il y a eu le lac Mégantic. C'est ça, les médias en ont outreparlé. Est-ce que c'est politique, cette histoire-là? C'est beaucoup politique. Okay. On va le voir à toute fin de la chronique, dans un petit sondage. Je sais que t'aimes ça, les sondages. J'adore. Que je t'en ai réservé 3. OK. Bon, pas pire, hein? Pense à moi. Oui, oui, toujours. Et puis, je me suis dit, bon, on va parler comment que les partis politiques ont fait cet été pour gagner de l'argent, pour se remplir les poches. Mais je vais vous sortir des chiffres pour vous montrer que des fois, on peut être surpris. De comment qu'on les remplit. Ensuite, je vais vous parler un peu de la rentrée politique de l'automne, mais par de l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition veut faire à Québec pour la session parlementaire qui commence dans quelques jours? Et bon, la semaine prochaine, ce sera le Parti québécois, sa rentrée et surtout les dossiers chauds à surveiller. Parce que Dieu sait, Dieu sait qu'il y aura beaucoup de dossiers chauds, dont entre autres la fameuse charte des valeurs québécoises, la charte de la laïcité ou la charte de la chicane, tout dépendamment où tu te situes là-dedans. Donc, ça a été très payant la saison des barbecues pour le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Quand on est au gouvernement habituellement, c'est là qu'on ramasse le plus d'argent. Parce que c'est normal, on veut que se faire élire, donc on promet de construire un pont. S'il n'y a pas de pont, on va construire une rivière avant. Ensuite, on construira le pont. Donc, les partis, les gouvernements promettent beaucoup mers et mondes aux gens. Et là, les gens sortent leur chéquier. Mais c'est les chiffres que le DGEQ, donc le directeur général des élections, a publié à la fin août. Donc, c'est tout chaud, tout neuf comme chiffre. Donc, pendant l'été, depuis la mi-juin seulement, le Parti québécois a ramassé 192 000 $ des citoyens. Pas des grosses firmes et tout ça, ouais, juste des citoyens. Quand même. 156 000 $ pour le PLQ. Donc, on voit que c'est une différence de 40 000. On voit l'opposition talonne quand même. Québec solidaire a mis 42 000 dans ses coffres. Et la CAQ, là-dedans, tu me dirais, la CAQ, c'est quand même un parti puissant. Oui. 10 000 $ seulement. C'est rien, littéralement, c'est rien. C'est rien, 10 000 $ c'est rien. Une sortie au cinéma, là, ça coûte 10 000 $ C'est ça, t'achètes des peanuts. Là, tu dépasses le budget là, avec ça. Là. Oh. Des peanuts salés, c'est clair que tu bosses ton budget. C'est des pistaches puis des cachous, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais. Ça coûte cher, par contre. Donc, en vertu d'une loi adoptée en décembre dernier, le don que peut faire un électeur au parti, c'est 100 $ Le plafond est de 100 $ par année. Donc, toi, Mathieu Plante, qui veut donner, il faut que tu passes par le site du DGEQ, que tu remplisses un petit formulaire, puis que tu coches la case « J'accepte » après avoir lu un contrat, comme Microsoft peut t'envoyer souvent. C'est là. Donc, tu donnes 100 $ maximum pour un parti. C'est donc bien peu. Ça me semble vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça permet aux citoyens dits normaux, donc toi, moi, qui avons de l'argent, mais t'sais, pas de l'air gaspillé, dire « moi, je vais faire ma contribution ». Avant aussi, tu pouvais le faire. Mais quand tu avais un big shot à côté qui donnait 3000 $ ton petit 100 $ il riait de toi. Hein? Tu disais « moi, je vais aller voir X personnes, je vais lui donner 100 $ Ah, une petite tape dans l'eau, merci. L'autre, il arrive avec 3000 $ là. Je pense que je vais plus l'écouter. Mmh. Parce que là, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité. 100 $ tout le monde. Le montant était de 1000 $ depuis 2010, quand même. Mais avant, c'était 3000 $ Donc, depuis la loi des années 70 jusqu'en 2010, c'était 3000 $ Donc, c'est là que l'argent rentrait, Donc, c'est pour ça que là, les montants que les partis ramassent, c'est très peu. Si on me dit 192 000 $ pour le Parti québécois, qu'est-ce que tu veux faire avec 200 000 $ Tu peux juste placarder les rues de la ville de Trois-Rivières d'affiches, ça doit coûter 200 000 $ Oui, c'est ça, parce que c'est quand même, ça prend beaucoup d'argent pour gérer ces affaires-là, les campagnes. Exactement. Et tout. Sauf que là, avec la loi 2 qui a donné ce changement de financement-là, ça provient maintenant de l'État, donc de tes taxes, okay, de nos taxes, de nos impôts. La contribution politique conserve toutefois leur importance, on l'a vu dans les montants, et ça en dit long sur la mobilisation des citoyens, comme Québec solidaire 42 000, la CAQ 10 000. Donc, le nombre de membres joue là-dessus. Mmh. Mais ce que tu viens de dire sur nos taxes, c'est que tout le monde paie pour chacun des partis, qu'on le veuille ou non? Non. Ça fonctionne, c'est pas directement pris dans tes taxes, ça fonctionne par vote. Donc, dès que les partis politiques obtiennent des votes, comme Option nationale est très riche parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de votes, mais aucun élu. Mais en ayant un vote, c'est X montant que le DGEQ redonne aux partis politiques. Donc, ça permet d'enrayer temporairement là, la corruption, la collusion, comme on le voit présentement avec la commission Charbonneau. Ah, c'est peut-être là qu'est parti Jean-Philippe. C'est ce que j'ai dit tantôt. Ça a commencé, ouais, la commission. C'est louche. C'est louche. En tout cas, il se déguise. On ne sait pas. Il n'a pas l'air de ce que je vois en studio à la TV. Non. Charbonneau. J'ai-tu vu Charbonneau à la TV? Sûrement. Je sais pas, j'ai pas regardé. Sûrement. Peut-être. Peut-être okay. Comme un Where's Waldo, là. Where's GP? Donc, les dons aux partis depuis le début de l'année. Donc, 630 000 pour le Parti québécois, 229 000 pour le Parti libéral, 130 000 Québec solidaire et seulement 95 000 la CAQ. Hmm. Ça tire la patte. Donc, c'est vraiment grâce au vote qui ramasse l'argent, non pas aux dons, comme on l'a vu tantôt. Le nombre de donateurs, justement, le Parti québécois, 9500 donateurs. C'est beaucoup. Mmh. C'est beaucoup. Donc, ils donnent chacun 100 $ maximum. Parti libéral, 2700. Petit drop ici, mais ils donnent des gros montants. Québec solidaire, 1910. Et la CAQ, 1196. C'est là qu'on voit le jeu. La différence entre la CAQ et QS. Donc, tu nous demandais combien qu'on donne aux partis politiques. Oui. C'est 1,50$. Donc, chaque vote ramassé aux élections, on donne l'État donne 1,50$ aux partis politiques. C'est moins cher que prendre l'autobus une fois. Je sais même pas. Fait que c'est 3$. Oh! Fait que... Deux votes, ça. Deux votes. C'est équivalent deux votes. On calcule ça de même. Donc, un parti touche 1,50$. Avant, c'était 85 cents. Donc, il y avait une loi avant, c'était 85 cents. Maintenant, c'est presque doublé. Pour chaque vote obtenu lors d'élection générale, c'est le DGEQ, donc le directeur, qui verse cette allocation à chaque année. Comme les résultats ont été serrés le 4 septembre dernier, dernier étant 2012, et non pas cette semaine, ouais. Le PQ, PLQ et la CAQ ont droit à un financement de l'État quasi équivalent. Donc, en plus des donations que j'ai dit tantôt, le Parti québécois, en tout, reçoit 2,8 millions de l'État. Parti libéral 2,7, la CAQ 2,4 et Québec solidaire 536 000. C'est là que le nombre de votes joue. Donc, en dons, les partis reçoivent peu, mais en contribution de l'État, reçoivent beaucoup. Donc, ça permet aux tiers partis, donc Option nationale, Parti vert, le Parti chrétien, le Parti autonomiste... Et là, c'est Ross Rose, etc. Oui, il y en avait 14, 15, quand on avait fait un petit jeu là-dessus l'an passé. Donc, eux autres peuvent recevoir de l'argent. S'ils reçoivent 10 votes, bon, ben ils reçoivent 10 fois 1,50. C'est quand même plaisant. Tu peux quand même... Tu refuses pas ça. Tu refuses pas ça. Tu peux payer tes dettes avec ça. Donc, maintenant qu'ils ont de l'argent et maintenant qu'ils ont ramassé le plein par les barbecues, les épluchettes de bédaine et les pots de bière, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant pour la rentrée? Parce que, comme je disais tantôt, ça commence très bientôt, la rentrée parlementaire. Les gens sont revenus à Québec. À Trois-Rivières, présentement, il y a un congrès de la CAQ, donc toute la fin de semaine. Je les ai croisés hier, j'ai salué François Legault dans la rue. J'ai pas pu éterniser le discours parce qu'il était entouré de gros gorilles. Ouais. Eux autres, je sais qu'un pas. Ouais. C'était pas évanoui en le rencontrant. Non, ben non, du tout. Ouais. Tu t'as même énervé comme une petite fille dans un party. Justement. Là, c'est... Ah, t'as pas Non, passe-moi okay. là. Passe-moi là. Mais voilà. Donc, pour le Parti libéral, on va commencer avec lui. Philippe Couillard, qui est le nouveau chef, donc qui a été élu à la fin du printemps dernier. Donc, nouveau chef du Parti libéral, ce n'est plus Jean Charest, et donc l'ère conservatrice du Parti libéral. Philippe Couillard, l'ancien ministre de la Santé, qui a promis de rebâtir le PLQ parce que c'est la déchéance totale dans plusieurs circonscriptions. Il y a plusieurs endroits au Québec où il n'y a même pas de membres ou d'exécutifs régional pour déléguer ou représenter le parti. Donc, c'est la débandade tout court. Dès que tu tombes dans l'opposition habituellement, c'est difficile de construire. Et il veut reconstruire le PLQ, surtout dans le réseau francophone. On sait que lui, sa base électorale, c'est le West Island et l'Outaouais. Et à Trois-Rivières aussi, avec Daniel Sataman. Donc, tout ce qui est anglophone sur Trois-Rivières, il pogne beaucoup. Il veut justement remobiliser ses troupes, donc les fouetter. C'est pour ça qu'il entreprend une tournée provinciale partout au Québec. On va le voir, c'est certain que sûrement qu'on va le croiser au centre-ville en compagnie de François Legault, c'est certain. Donc, l'autre objectif que vise le Parti libéral, c'est d'avoir des nouvelles idées. C'est un objectif très noble, très louable. Que tout le monde a. Des nouvelles idées, c'est facile à avoir. Des bonnes, pas bonnes. Par contre, la nuance est très, très... très difficile à avoir. Donc, eux autres, ils ont fait à la fin du mois d'août, un forum pour dire on va ramasser tout le monde puis on va discuter. Un genre de gros congrès où tout le monde peut s'exprimer, où il y a plein de conférenciers. Mais ce qui est sorti de là, c'est l'économie. Très peu d'aspects sociaux, très peu d'aspects environnementaux. C'est vraiment l'économie et les sondages nous disent que le peuple québécois veut parler d'économie. Oui. Bon. C'est un choix. On va respecter ça. Ils ont le droit. C'est une idée. Nouvelle, peut-être pas, mais c'est une idée. Il se présenterait dans le comté de Roberval aussi. Autre nouveauté. Habituellement, c'est dans un comté sûr. Jean Charest, c'était dans Sherbrooke. Il gagnait depuis toujours. C'était une évidence. Il gagnait d'avance. L'autre, c'était un poteau, comme on avait ça. Oui, tout à fait. Le temps de police, c'est un poteau. Okay. Il y en a d'autres qui dirigent une marionnette ou un opportuniste ou un étudiant. Donc, lui est dans Roberval, qui est détenu présentement par le Parti québécois. Mais là, tu vas me dire, Roberval, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça? C'est pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Roberval? Ben oui. Puis c'est bleu-bleuet, ça, là. Mm-hmm. C'est bleu Parti québécois, bleu québécois. Non, Mathieu. Ah, OK. Non, Mathieu. Tu me l'as dit, là. C'est bleu, mais conservateur. Okay. Au fédéral, c'est Denis Lebel, notre cher ministre qui... le sympathique, le seul qui parle, en fait, du gouvernement, là, okay. C'est lui. Et puis, c'est lui qui est député au fédéral dans Robertval, l'équivalent de Robertval au fédéral là-bas. Donc, c'est un parti prenable pour le Parti libéral. Ça pourrait faire une encoche dans map du Québec quand tu regardes la carte de couleur. Circonscription. Mm-hmm. Oui, là, on va voir un spot rouge, un gros spot rouge en plein ça milieu va clasher du au bout. Ça va être Robertval avec Philippe Couillard, ça, c'est certain. Il y a aussi notre cher Raymond Bachand, notre cher ministre des Finances, qui a quitté, qui a annoncé sa démission le 26 août dernier. Rappelons qu'il avait terminé troisième à la course à la chefferie sur trois. C'est un peu honteux. C'est loser. Ouais. Soyons francs, c'est loser. Il avait terminé derrière Philippe Couillard, qui lui avait obtenu 58,5%, donc majorité absolue. Pierre Moreau, qui était un peu le nobody là-dedans, qui, celui qui sort de... L'inconnu. L'inconnu. Ben, le nowhere man, celui qui sort de n'importe où, qui lui a fait 22%, et Raymond Bachand, qui était le bras droit de Jean Charest, qui a été de tous les combats, qui l'a protégé, qui a fait, entre autres, la grève étudiante, ben, pas, qui a pas fait la grève, mais qui a contribué à faire la grève, donc qui a fini avec 19,5%. Ça envoie un message assez clair. Oui. Puis là, en plus, exactement, il s'est mis à réfléchir à ça. Puis dans ses entrevues, il disait, le lendemain de ça, ces résultats-là, j'ai pris congé et j'ai redécouvert le sens de la famille. Oui. Ça, trouvez donc une autre défaite. Dites donc à la place que vous n'avez pas d'appui, vous avez plus d'amis. C'est t'sais, ça. T'sais, une page Facebook, ça ne dit pas tout. Là. C'est pas parce que tu as 52 amis que les 52 t'aimes. Non. Là, tu as eu 19,5. Personne ne voulait te voir. Là. Bon, démission. Va-t'en à la pêche, là. Fais n'importe quoi. Exact. Va pogner d'autres poissons. C'est ça. Hein? Voilà. Pour la CAQ, on l'a dit, on a croisé François Legault hier et toute sa ribambelle de joyeux député. Et Jean Duchesneau aussi. Il m'a salué. Yo, j'ai été honoré. Je dis, OK, lui, je ne l'écœure pas. L'UPAC, c'est lui, ça, là. OK. Oh, tu m'en as moins parlé dans ta chronique, il me semble, de ce gars-là. Non, un petit peu moins que. C'est quand même le cerveau de la CAQ. Okay. C'est lui. D'accord. Soyons. S'il y en a un à respecter à la CAQ, c'est Jean Duchesneau, l'ancien policier de SPVM. Qui a été directeur de la LUPAC au tout début, mais là, il est rendu député. C'est quand même le seul policier à la CAQ qui est digne vraiment d'un grand respect, de ma part, du moins. Là. Duchesneau, t'as dit. Duchesneau. Comme une éponge, j'absorbe l'information. Parfait. On va revenir sur lui. Donc, le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, a passé l'été le nez dans les livres. Littéralement, parce qu'il en écrivait un livre. Il a écrit une mi-biographie, mi-politique à venir pour son parti. Donc, un bouquin de 200 pages, quand même, c'est assez volumineux pour une biographie d'un politicien, et surtout une autobiographie. Donc, c'est une plateforme électorale et une biographie, comme je disais. Donc, son parcours jusqu'à temps qu'il ait eu l'idée de faire un Silicon Valley avec la vallée du Saint-Laurent. Ça, t'en as sûrement entendu un peu parler. C'est normal, moi aussi. Un petit peu. Juste pour dire que, ah ouais, ça existe, OK, on passe à autre chose. Donc, il veut élaborer sur son projet Saint-Laurent. Il veut faire, tu sais, Jean Charest avait son plan Nord, donc développer le Nord du Québec. Et la CAQ dit, on va développer le Saint-Laurent. C'est quand même la voie maritime, une des plus empruntées sur le continent. On a des grandes villes de chaque côté du Saint-Laurent, des grandes villes, des grandes centrales, des grandes entreprises, des terrains de jeu pour les entreprises. Donc, autant développer ça. Et là, on lui a demandé, oui, mais à quoi ça va ressembler? Il dit, ça va être un Silicon Valley. C'est visé haut, pas mal. C'est visé haut. Oui. Ben, au Québec, il faut viser haut pour avoir un petit peu. Faut, hein? On est de même. Oui. Donc là, dans son livre, il devrait un peu résumer c'est quoi ça. On verra ce qu'en est. Mais à la mi-novembre, François Legault va être stressé parce qu'il va subir son premier vote de confiance envers ses membres. Donc dans un autre congrès qu'il va y avoir. Donc on verra s'il passe bien. Québec solidaire maintenant. Les sondages sont bons pour le parti, donc c'est au beau fixe, on va le voir tantôt. Le financement va également bien, ils n'ont plus de dette. Ils ont annoncé ça la semaine passée, okay. Ils n'ont plus de dette grâce aux dons qu'on a parlé au tout début. Donc, ils vont pouvoir commencer à zéro. Et donc, Françoise David a fait une entrevue hier, a sorti publiquement et a dit « Maintenant, on vise le sommet. » Rien de moins. Comme on disait tantôt, on vise haut pour avoir un petit peu. Bon. Pour y arriver, Québec solidaire misera notamment sur le dossier énergétique cet automne. Donc, le pétrole, on n'en a pas besoin au Québec. Pour l'instant, oui. Soyons réalistes, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va être sur plusieurs années, mais pouvons-nous réduire la dépendance au pétrole? Bon, ça, c'est leur carte qu'ils vont jouer sur la table de poker. Et ils vont aussi en profiter justement parce que le gouvernement va faire une tournée, une nouvelle politique énergétique. Donc, Québec solidaire va tenter d'influencer le gouvernement là-dessus. Le parti, toujours Québec solidaire, mènera une campagne politique d'envergure pour faire connaître ses idées. notamment avec une tournée régionale, une mise en ligne de nouveaux sites Internet, puisqu'on sait qu'ils sont très forts sur les réseaux sociaux, Québec Solidaire, et une présence dans les médias sociaux, et les porte-paroles vont se faire aller. Donc, c'est certain qu'à Trois-Rivières, on va voir un des deux porte-paroles, qui est non plus Amir Kadir, mais François David et André Fantisilas. Okay. Un nouveau porte-parole, Amir Kadir a délaissé. De par les règles du parti, ça prend un parlementaire et un extra-parlementaire comme porte-parole. Et là, les deux porte-paroles étaient rendus parlementaires. Donc, ils ont dit, on va nommer quelqu'un qui n'est pas élu. Okay. Donc, c'est André Fantisilas, chilien d'origine, qui a pris qui occupe maintenant une nouvelle fonction de porte-parole. Et leur credo, c'est « L'avenir du Québec n'est pas dans le pétrole ». Bon, ça va être ça leur slogan. Donc, on verra ce que ça va donner. Pour Option nationale, faut pas les oublier. Ils sont pas malgré tout, tu sais, parce que ça va mal pour ce parti-là. Ça va mal, mais peut-être que ça va bien aller. On sait pas, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Jean-Martin Hossan a démissionné en juin. Donc, lui qui avait été élu avec un nouveau salaire qui avait défrayé les manchettes, en juin, il a dit non, je quitte, j'ai ma famille à m'occuper. Lui aussi, la raison familiale. Mm-hmm. Et ensuite, il s'est dit, je veux retourner à mes premiers amours, qui est la musique. Okay. Et pour l'avoir entendu, c'est un très bon musicien. On se demande pourquoi il fait pas partie d'un groupe. Mais bon, peut-être un jour. Il voulait composer. Et puis là, il s'est trouvé un job à Londres comme économiste. Qui est extrêmement payant. Et lui, économiste de formation, une matière grise en économie, un des piliers solides de la nouvelle génération de politiciens. Et au Québec, on n'avait pas assez d'argent pour le nommer. Et la seule place qu'on aurait pu le nommer, c'est la Caisse de dépôt. Mais on s'entend que c'est le gouvernement péquiste qui doit élire et ou nommer. Je ne sais pas pour lui. On s'entend que c'est quand même fret entre Marois et Jean-Martin Hossan. Donc, il a quitté. Peut-être pour mieux revenir, comme tu disais. Peut-être. Mais c'était une grosse opportunité quand même. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Il est encore jeune, faut qu'il y ait le temps de se recaser ou de se repositionner. Et là, ça va de mal en pis pour Option nationale parce qu'elle a mis où le directeur général claque la porte. Puis avec fracas. En gueulant contre le noyautage des instances, contre l'improvisation des jeunes. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais il a claqué la porte à Paul Charbondy, elle a claqué longtemps. Mais là, présentement, au moment où on se parle, il y a la course à la chefferie qui se déroule et il y a trois personnes qui se présentent jusqu'à maintenant. Il y a Nick Payne, Zol Zanetti et Jean-Claude Saint-André. Jean-Claude Saint-André, c'est un ancien candidat à la chefferie du Parti québécois en 2007, quand Pauline Marois avait perdu. Okay. Mais là, il se représente pour Option nationale. Donc, on verra ce que ça donne. Trois candidats pour le moment, mais on verra le 26 octobre qui sera le prochain chef. Pour terminer, parce qu'on termine en beauté, un petit sondage pour savoir aujourd'hui où on en est. Je vais juste récapituler le 4 septembre 2012, parce que ça fait un an, jour pour jour, que le Parti québécois est au pouvoir, qu'il y a eu des élections générales. Donc, en 2012, le Parti libéral avait 31% comme résultat de vote. Le Parti québécois, 32%, donc 1% après. Coalition, 27%, Québec solidaire, 6% et Option nationale, 2%. Donc, je vais vous épargner tous les autres partis parce que c'est fastidieux. C'est long, hein? 14 partis, là. Ouais. Bon. Présentement, donc, selon un sondage CROP et un sondage léger, je vais vous les donner dans l'ordre, le Parti libéral va chercher entre 40 et 36 % tout dépendamment du sondage. Donc, qui a gagné beaucoup, beaucoup de points par rapport à 2012, donc à environ 9 points, donc ce qui est énorme. Puis on s'entend au Québec, ça prend 32 % pour gagner un gouvernement minoritaire. Parti québécois, entre 29 et 32 %. Lui, il fait du surplace. Depuis un an, il stagne. Là, c'est le plafond du Parti québécois. Il va falloir qu'il travaille fort pour aller chercher d'autres votes. Coalition Avenir Québec avait 27. Là, il est maintenant rendu à 20 % et peut-être même 18 %. C'est la débandade totale. La CAQ n'est pas dans les médias. On ne les voit pas. Donc, ça fait dur pour la CAQ. Bonne chance, François. Québec solidaire, comme je disais, c'est le beau fixe. Ils ont eu 6 % l'an passé. Là, le sondage leur donne 6 %. Fait que eux aussi, ils stagnent. C'est peut-être un plafond, comme le Parti québécois. Avec presque rien, par contre. Presque rien, ouais. Oui. Donc, c'est ça. Et Option nationale, eux autres sont au beau fixe, 2 % partout. Donc, ils demeurent là. Ils demeurent dans la marge d'erreur. C'est littéralement rien. Exactement. Donc, aujourd'hui, au moment où on se parle, 48 députés du Parti libéral, 54 Parti québécois, 18 avec Coalition Avenir Québec, 2 Québec solidaire et 0 Option nationale. Ce qui fait le portrait donc de l'Assemblée nationale au moment où on se parle et au moment où l'ouverture se fera sous peu. Dans les semaines qui suivront, je vais vous parler de la rentrée politique du Parti québécois et des dossiers chauds. Le crucifix à l'Assemblée nationale, la reconversion de Gentil 2 en économie plus régionale. Donc ça aussi, ça fait un an là, que la centrale va être fermée. Donc les, puis le 1 an du Parti québécois, le 1 an d'une première femme à la tête d'un État. Oui. Donc il y a beaucoup de 1 an à, ben, à célébrer, à souligner. Des anniversaires, ouais. Ouais, ce sont bientôt à parler durant la prochaine session. Donc ça devrait être une session fort intéressante. Et ne pas oublier aussi, au mois de novembre, faire ton devoir de citoyen. Oui. Il y aura des élections générales, okay. Mais municipales. Oh. Ça, c'est clair, c'est sûr. C'est moins vu, ça. Tu t'en rappelles moins, non? Je sais pas, au niveau municipal, on c'est moins... On va en entendre parler ouais. souvent. Okay. Je vais me forcer un peu pour en parler. C'est parce ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats, candidates à Trois-Rivières. Ça on veut savoir c'est qui chacun de ces gens-là. Oui, ah ça, je préfère. C'est pas pire. Ouais, tu me donnes l'idée. Fait qu'au mois d'octobre, je me lance là-dedans. Parfait, merci François-André. Ah, une chance que tu es là pour nous parler de ces choses-là. Ben écoute, ça me fait plaisir, Mathieu. Parce que moi, sinon, là, j'ai pas suivi ça de l'été, là, fait que je suis bien en retard. Ben les pochettes de blédine. Ça, j'ai suivi ça. Ouais, barbecue. Quelques affaires. Parce au moins, tu connais la base pour faire la politique. J'ai mes priorités. Ouais. Oui, voilà. Exactement. T'as parlé de quelqu'un qui claquait la porte tantôt, donc voici Chroméo et j'ai claqué la porte. C'est qui? Ok, claquer la porte, c'est le directeur général de l'Option nationale. Exactement. Oui. Elle a mis où? Merci encore, François. Fais plaisir. J'aurais pas dû partir sans dire je t'aime. Mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé. Et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne, celle que j'utilisais les week-ends. Et j'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel. Et les mois ont passé, pas de nouvelles. Mais j'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. Et si jamais un bon vent nous ramène et on se revoit dans une ville lointaine, avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé qui va pas se lever et claquer la porte. C'est dire que j'ai eu le temps de regretter le soir où je me suis emporté. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. Il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Au retour à la chronique, les instructions d'assemblage. À assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, donc, vous êtes toujours à Assemblage requis sur les ondes de C'est fou avec moi, Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau sera de retour lundi, j'imagine, probablement. Pour l'instant, dans quelques minutes, on va faire les instructions d'assemblage. C'est la chronique où on vous présente des trucs et astuces pour mieux vivre votre vie. C'est rendu une de nos chroniques préférées, donc on va faire ça dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on écoute nos amis de chez Imaginary Cities et leur succès du palmarès anglophone. Voici Sooner or Later sur C'est fou. Pas pour ça. Ben oui. Programme ça dans votre tête. We'll be right back.

Dinosaur Bones et Nothing Left Between the Lines. Assemblage Rocky, c'est presque la fin de l'émission d'aujourd'hui, mais on a le temps pour une dernière petite pièce avant de se quitter. Hein. Voici Caféine et l'Orpheline. Ça, c'est fou. Pas ça, mais on se dit bye toute la fin de semaine, sauf les palmarès. Et l'Orpheline. Ah, que c'est bon, un classique instantané, ça. Sur l'album New Love. À Sondage Rocky, c'est là-dessus que va se terminer l'émission d'aujourd'hui. Et c'est là-dessus que va se terminer aussi la semaine. Donc, pour la journée, je remercie François Landry, à David Ferron, à pas Jean-Philippe Charbonneau, qui est pas là. Il va de retour lundi, j'imagine. Reste à l'écoute pour le Dîner de con qui s'en vient à 11h avec Danny Janvier. Évidemment, le Dîner de con, c'est ça aussi, c'est un classique instantané depuis le début. Colin et ça reste un classique. Donc, écoutez-le entre 11h et 13h. Moi, je vais de retour à 15h pour les Palmarès C'est fou en compagnie de Stéphanie Paradis. On va écouter le top 20 franco, le top 20 anglo j'ai des chiffres au hasard, faut croire. C'est l'édition complète et évidemment, les paroles assez fous repassent les lundis, mardis, mercredis à 17h. Nous, ben, Assemblage Requis, on va être de retour lundi à 6h30, en direct à partir de 7h30. Et puis, allez voir le chiffre.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions de toutes nos émissions. Voilà, ben, passez une très belle fin de semaine, hein? Pourquoi pas? Arrangez-vous pour. Donc, déplacez des affaires pour avoir une bonne fin de semaine. Bye.